bien, salut à tous, c'est Eric avec vous. On est ensemble pour une bonne dose de métal. Je vous rappelle le nom de l'émission, c'est Metal Express. Et du métal, on va s'en mettre plein la tête. Gonna give you cigarettes. We know you eat them, for us it is weird. Went to the bathroom and you get stuck to the floor, and you'll never be able to unlock the door. The cook has made a healthy, a really tasty soup, with all the sweat that he collected when he scattered. He's out of spoon. Metal Express avec Eric. Metal Express avec Eric. We'll be right back. Protect

мертвых и живых вечный путь. Пронизи ладонью острый порох снег, полоснет по сердцу свежим ветром снег и обнимет плечи с горяча. Из колодца сердца хлынет память слов, чуткие колени на платке снегов. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Small, just black man had the blue. man got rich, and in every bar was a superstar. With a 7-year itch, all 15 million fingers learning how to play. You could hear the fingers picking, and this is what they had to say. Let there be light. Your mind. Cœur du nain.